De la liberté de conscience. Si on fait un parallèle avec la liberté du corps physique, on peut dire que le physique est manipulé, surtout peut être manipulé par l'astral ou manipulable par l'astral. Et puis du moment que tu atteins une évolution de plus en plus, de niveau beaucoup plus élevé, à tous les cas, c'est qu'on peut, dire, ou même je t'entendais dire lors d'une conférence, que ta conscience, l'astral ne pouvait plus y toucher. Ton corps, tu pouvais te faire arracher une jambe, mais la conscience ne peut pas être altérée. Je doute un peu, j'en doute pour, parce que c'est moi qui parle, j'en doute pour moi, tous les cas. Je vais dire que ma conscience, ok, je commence à être mental, et puis on ne peut pas toucher à ça, je ne peux pas me faire influencer. Mais par exemple, si l'astral me coupe une jambe, eh bien là, ma conscience, elle vient de partir, puis je peux être mental tant que je voudrais, mais là, c'est la jambe... Je suis manipulé, là. Ma conscience, elle disparaît. Alors, la conscience, elle appartient à personne. On peut avoir la même conscience. Est-ce que la conscience, c'est un? Oui. Mais elle se divise. Elle est extrêmement divisée, c'est-à-dire qu'elle s'exprime à travers tous les corps physiques humains. Donc, selon le corps physique, il y aura une expression divergente ou différente de la conscience. Maintenant, si tu perds une jambe, c'est évident que le corps physique va être suffisamment traumatisé pour baisser sa vibration, de façon à canaliser toutes les énergies vitales en direction du corps physique lui-même, donc de lui, pour ne pas qu'il y ait une mortalité. Pendant ce temps-là, pour permettre aux mémoires d'intervention les plus aptes à préserver la vie du corps physique, toute forme d'intervention extraterrestre ou une intervention du point de vue mentalo-supramental vont être éliminées. Pourquoi? Parce que la conscience supramentale n'a pas suffisamment d'expérience du corps de l'homme pour être capable de préserver la vie du corps de l'homme en cas d'agression réelle. Donc, le corps redevient suffisamment astralisé. L'ego ayant besoin du corps physique ainsi que toutes les divinités pour pouvoir s'exprimer de façon à pouvoir se nourrir, donc pour pouvoir vivre, eux ont l'expérience de la survie du corps physique et ils vont mettre en branle tout ce qu'il faut pour ne pas empêcher le corps de mourir. Si par contre le corps, selon la faiblesse du corps, meurt quand même, bien tant pis. Et c'est pourquoi si tu perds une jambe, effectivement ta conscience mentale ou supramentale décolle, elle ne reste pas exprimée parce que ta conscience supramentale n'est pas capable encore, par le biais d'un ajusteur de pensée ou d'un contrôle neuromusculaire suffisamment conscient, il n'est pas capable de contrôler le corps physique de façon à ce qu'il ne meure pas. Maintenant, si tu meurs, les parties les plus basses de ta conscience, que tu appelles souvent ma conscience, donc ta conscience, vont gagner le monde de la mort et vont s'en aller. Ce qu'on doit comprendre, c'est que à l'instant où on a commencé le cheminement de l'évolution, à l'instant où on a commencé le cheminement de la fusion, donc de la création du double éthérique, on est déjà sauvé. Vous entendez par sauvé, je prends les termes spirituels de façon à ce que l'ego comprenne. Le moindrement qu'un être humain décode qu'il n'y a pas de libre arbitre réel. Même si 80% du temps de ses journées, il l'oublie, lorsque l'être humain a à un moment donné la capacité mentalo-endocrinienne pour supporter l'idée qu'il n'y a pas de libre arbitre réel, il commence à créer un double éthérique. Lorsque l'être humain comprend que l'ego est un problème, lorsque l'être humain comprend qu'il y a le mental et qu'il y a l'astral chez lui, et qu'il pas qu'il l'apprend, qu'il le comprend, alors il y a continuité de la création du double éthérique. Autrement dit, ça ici, c'est de la glace. La glace est une partie de ce qui sort de l'âme et ça crée un double éthérique. Ce double éthérique constitué, ici, n'est-ce pas l'astral sans mêle, alors on va là, voilà. La partie constituée, ce n'est pas toute l'âme. L'âme, c'est le gobelet ici avec l'eau et la glace. Mais il y a une double éthérique qui est ici. La partie constituée, c'est celle qui devient immortelle. Celle-là est totalement désassujettie de l'emprise des contraintes astrales. Mais si un jour tu meurs, tout ce qui est dans le gobelet ici, ainsi que le contenant à la glace et tout ça, ça s'en va dans le monde de la mort et c'est dissous à jamais. Ça va se réincarner. Mais la meilleure partie de toi, celle qui est maintenant sortie, elle ne meurt pas. Cela veut dire que si tu meurs, tout ça au complet ici s'en va dans le monde de la mort. Et il y a une partie très minime de l'astral, de ta conscience, le plus purement mental, qui ne pourra pas gagner le monde de la mort et qui va gagner le double éthérique, qui est ici. Maintenant, c'est évident que plus il y aura évolution, ici, compréhension et acceptation du libre-arbitre, du non-libre-arbitre, on crée un petit bout. Compréhension de la problématicité de l'émotion, on crée un autre petit bout. Compréhension du fait que l'être humain n'a pas de Dieu dans le monde de la mort, création d'un autre petit bout, etc., etc., etc., jusqu'à un moment donné où il y aura tout le contenant qui sera maintenant rendu du dométérique. Et, pour pas que ça mouille sur la table, voilà. Donc, lorsque l'être humain se conscientise, lorsque l'être humain évolue, c'est toujours petit morceau par petit morceau qui va créer le double éthérique. Et cette partie-là est totalement désassujettie, totalement libre de la conscience astrale, donc n'est plus manipulable. Mais même si elle n'est plus manipulable, ça ne veut pas dire qu'elle va être capable de s'exprimer en totalité et en globalité à travers le corps physique. parce que tout ça ici continue à contrôler le corps physique. Quand tu dis, oui, mais moi, je suis, ma conscience est encore astralisable. Non, ta mémoire de conscience est toujours astralisée. Mais le peu de conscience qui maintenant s'est établi chez toi, ce n'est pas ça qui présentement s'exprime. Nécessairement, tu vas dire, ma conscience est encore astralisable. En réalité, tu devrais dire, ma conscience est astrale. Lorsque tu te réchauffes suffisamment, si moi, quand je ne suis pas réchauffé, je prétends dire que je ne suis pas récupérable par l'astral, ça peut être dangereux. Si totalement réchauffé, je te pose la question, es-tu encore récupérable par l'astral? Si c'est oui, tu vas dire oui. Si c'est non, tu vas dire non, mais il n'y a aucun problème. Si c'est non, c'est que la partie qui est maintenant éthérifiée, celle qui est doublée éthériquement, cette partie-là qui est présentement en contact avec toi, par ta parole, donc par ton corps, par le biais de l'ajusteur de pensée. Tandis que l'ego, lui, qui parle et qui s'instruit, parle par le biais du rectificateur de pensée. Bon. Alors, dans mon cas, il y a énormément de double éthérique constitué. Et bien souvent, je suis en contact total avec mon double éthérique, qui, lui, est en contact à travers le monde de la mort avec les plans supramentales. Donc, j'ai une bilocation, ce qui fait que lorsque j'ai dit cela, lorsque d'autres humains vont le dire aussi, c'est qu'effectivement, la partie qui parle n'est pas assujettissable par l'ego ni par l'astral. C'est-à-dire que la conscience est finalement peureuse. Alors non, pas... la conscience astrale, oui. La conscience supramentale, non. Mais quelle est la différence entre la conscience astrale et la confiance... conscience. La conscience astrale et la conscience supramentale. La conscience astrale, c'est de l'illusion. C'est-à-dire que c'est de la mémoire de conscience. À un moment donné, la conscience supramentale décode qu'elle est là. Elle sait qu'elle est là. Elle n'a pas besoin de l'apprendre ni de le lire. Cette expérience qui est là est enregistrée par la mémoire de l'astral. Et là, l'astral va répéter ce qui a déjà été dit par le plan supramental. L'astral va répéter, ah, tiens, je sais que je suis là. C'est répété. Sauf qu'étant donné que c'est une répétition, ce n'est pas instantané. N'étant pas instantané, c'est mémoriel. Étant mémoriel, c'est une conscience mémorielle, donc une conscience astralisée. Dans la vibration de l'expression, dans l'astral, dans l'ego, il y aura le « je sais que je suis là ». Mais ça, c'est la répétition d'une instantanéité de conscience supramentale qui, à un moment donné, a laissé, a muté, a digéré, a transformé quelque chose, une vibration qui est apparue sous la forme « je sais que je suis là ». Donc, dans l'un des cas, c'est instantané. L'autre, c'est identique dans l'expression, mais c'est la copie, c'est-à-dire que c'est une répétition. Alors, à ce moment-là, c'est vivre d'une mémoire de conscience. Oui, il y a autant de différence entre la conscience astrale et la conscience supramentale qu'il y a une différence entre un paysage et la photo du paysage. Bon, on peut dire que c'est la même chose. En parallèle, c'est la oui. même affaire. Si tu regardes la photo, tu vas pouvoir reconnaître les lieux. Si tu regardes les lieux, tu vas pouvoir reconnaître les lieux. Ça veut dire que la conscience, c'est comme si je mets ma main dans le verre d'eau, c'est la conscience, je la mets dedans. D'un coup, le verre d'eau, il va recevoir un coup, il va sortir. Je sors ma main. La conscience se retire. Oui, si le verre d'eau... Tu peux se rappeler d'avoir eu la main dedans, mais il ne sait pas c'est quoi qui se passe. Il reste des traces de graisse, il reste des traces d'énergie vitale, il reste donc des traces de la main. Par contre, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'intelligence descend le corps de l'homme, dans l'étape actuelle de l'évolution de cette planète, nécessairement, il y a nuisance au corps physique de l'homme. Quand l'intelligence supramentale descend dans la structure astrale de l'homme, il y a nuisance du point de vue astral. Quand l'intelligence descend au niveau du mental de l'homme, il y a nuisance au niveau du mental, même chose au niveau du plan vital. Autrement dit, lorsque l'intelligence supramentale descend à l'intérieur de la structure évolutionnaire de l'homme, mental, astral, vital et physique, il y aura nécessairement problématique. On connaît le phénomène des martyrs de transition supramentale, on connaît le phénomène amplifié des sinistres individus dominés par l'astral, on connaît d'autres phénomènes de ce genre qui sont justement une interaction entre la descente du plan supramental à travers les corps, les véhicules primaires de l'homme, et nécessairement, lorsque l'intelligence descend à l'intérieur de la sphère planétaire, elle détruit les lois planétaires, elle transmute certaines lois planétaires, surtout proches de la sphère vitale de l'individu par lequel l'intelligence va être exprimée, et nécessairement, il y a des possibilités que l'individu perde la mémoire, que l'individu ait des brisures égoïques, que l'individu vive des stress astrales, que l'individu vive des doutes bizarres, que l'individu devienne téflon psychologiquement, que l'individu vitalement finisse par avoir besoin de plus de sommeil, que physiquement l'individu soit malade, que financièrement l'individu s'appauvrisse, etc., etc., etc. L'intelligence supramentale, lorsqu'elle descend dans la sphère évolutionnaire de l'homme, dans le contexte de cette planète, n'a pas l'expérience, c'est-à-dire que le savoir supramental est global, sauf que dans sa globalité, il n'est pas absolu, dans sa globalité, il y a une exclusion. Il y a une chose que l'intelligence supramentale ne connaît pas et ne peut pas connaître de par elle-même, il y en a seulement une, et cette chose, c'est l'homme, c'est la Terre. Donc, lorsque l'intelligence supramentale descend dans le contexte planétaire, elle amène de l'information extraplanétaire, elle amène de l'information galactique, elle amène de l'information universelle, elle ne peut pas aller plus loin que ça, c'est le plan bouddhique, et cette information est comme un coup de poing qui descend dans un vase plein d'eau, ce qui risque fortement d'y avoir de l'eau qui va voler, donc de l'astral qui va sortir pour laisser faire place à de l'intelligence. Mais pourquoi qu'elle vole? Si elle connaît rien de ça, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Bon, elle ne connaît rien, elle ne vient rien faire ici. L'intelligence instrumentale n'a rien à foutre de là. Ben, bien ici, elle se trempe les doigts, elle ne court, puis ça va mal, elle saute. C'est intelligent? Mais explique-moi, explique comment c'est intelligent. Pourquoi que si, là, ça semble être puissant, ça, pourquoi qu'elle demeure pas et qu'elle n'a pas le contrôle? Je vais t'expliquer pourquoi c'est intelligent. Si il y a du fromage et que tu as extrêmement faim, qu'il y a du fromage dans une trappe à souris, tu risques de mettre ta main là-dessus. Si la trappe vient pour se fermer, tu vas ôter ta main, n'est-ce pas? Oui. Bon, ben, du point de vue de la trappe, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Ça dépend. Mais si... tu comprends l'intelligence? Encore, ça dépend. Si mais j'ai l'impression que mes doigts sont plus puissants que le ressort, on va laisser là, puis c'est le fromage. L'intelligence belle, quand t'es convaincu qu'elle peut manipuler l'humain, puis ses problèmes, elle reste dedans. Mais est-ce que c'est pas encore arrivé? Ah oui, ça arrive de temps en temps. L'ego souffre plus, l'humain fait des gros problèmes. Ça dépend ce que l'intelligence vient chercher. Oui, regarde mais bien ceci. Il y a quand même une manifestation astrale. Oui. C'est qu'il y a une séparation totale entre le plan involutionnaire, le contexte de notre planète, et le plan stagnant ou évolutionnaire, le contexte extraplanétaire. Il y a une séparation totale. Lorsqu'une intelligence descend dans le contexte planétaire, il faut bien comprendre que l'intelligence est un facteur d'involution. L'intelligence est quelque chose qui se refroidit. Se refroidissant, il va devenir de la planète Terre. Donc, qu'est-ce qui vient foutre ici? Il n'y a pas le choix. Il vient ici, manipulé par les mêmes contingences qui, à un moment donné, ont refroidi le monde dans lequel on est, qui va engendrer le phénomène de la matière. L'intelligence qui descend chez l'homme ne connaît pas l'homme. Pourquoi? Parce que tout son savoir n'est pas expérientiel. Son savoir, il est instantané de son état sans congélation, donc de son état sans évolution. L'intelligence fondamentale peut baisser sa vibration sans évoluer jusqu'à un niveau X. Ce niveau X s'appelle le plan mental. En bas de cela, c'est le niveau astral, en bas de ça, c'est le plan vital, en bas de ça, c'est le plan matériel, donc le plan atomique, le plan subatomique, etc. Lorsque l'intelligence supramentale entre dans le contexte de notre planète Terre, il y a par attraction gravitationnelle de notre planète Terre, attraction de tout ce qu'il y a autour, et il y a courbure du phénomène spatio-temporel. Étant donné que l'intelligence supramentale n'est pas spatio-temporelle, c'est-à-dire qu'elle est instantanée, elle n'est pas courbée par le contexte planétaire. Cela veut dire qu'elle ne peut pas être attirée par la planète Terre par sa gravité, mais elle ne peut pas non plus être bifurquée, donc elle ne peut pas être rejetée. N'étant pas rejetée lorsqu'elle s'approche du plan planétaire, elle va être soumise à des forces d'involution, c'est-à-dire que, étant donné que l'être humain évolue, l'être humain arrive à engendrer une similitude d'intelligence supramentale au travers de sa conscience mentale. L'être humain est capable d'engendrer une énergie qui est similaire à l'énergie supramentale, mais qui n'est pas de l'énergie supramentale, mais qui est suffisamment vibratoire pour attirer maintenant l'énergie supramentale qui traverse le contexte évolutionnaire de notre planète. L'intelligence instrumentale vient maintenant se souder là-dessus. Cela va engendrer un bouillonnement qu'on va appeler rectificateur de pensée. Le rectificateur de pensée va commencer à façonner le mental. Façonnant le mental, il y aura de l'énergie mentalo-supramentale qui va excéder. Cette énergie va toucher le plan astral. Touchant le plan astral, cela va engendrer l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée va remplacer l'ajusteur intellectuel, l'ajusteur psychologique. Et maintenant, il y aura formation dans le sens formé à de nouvelles choses. Il y aura formation de l'ego et de l'astral de l'homme. Sauf que l'intelligence instrumentale étant maintenant en lignée à toucher l'homme, elle commence à savoir l'homme. Elle ne connaît pas l'homme, elle ne peut pas le mémoriser. Autrement dit, l'intelligence instrumentale qui descend chez toi et qui te touche doit implicitement s'arranger pour te muter. Pourquoi? Parce que l'intelligence qui descend chez toi pendant un an de temps, si elle ne te mute pas, sera géniale pendant un an de temps. Si elle ne te mute pas, et c'est arrivé dans le passé, lorsqu'elle se retire, elle se retire. Vu qu'elle n'était pas mutée, il n'y a pas de traces, à part des traces très colorées de l'astral, du contact de l'intelligence avec toi. Mais ça, c'est pas grave. Toi, tu connais l'intelligence maintenant. Lorsque, 2 ans après, l'intelligence revient te toucher, elle recommence les mêmes maudites expériences. Pourquoi? Parce qu'elle ne t'a pas mutée. Autrement dit, prenons l'exemple de l'intelligence qui descend chez l'humain et qui, parce qu'elle a descendu chez l'humain, elle force l'humain à rentrer à toute vitesse dans un mur. Bang! Une fois que l'humain est rendu sur le cul, l'intelligence décode que l'humain ne traverse pas les murs. Là, maintenant, l'intelligence se retire. Notre humain revient à lui, 2 ans après l'intelligence, redescend chez lui. S'il n'y a pas eu de mutation, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu cellularisation du contact entre l'intelligence et l'homme, 2 ans après l'intelligence redescend chez l'homme, et là, qu'est-ce qui se passe? L'homme part en courant, rentre dans le mur, paf! Tombe sous le cul. Et là, l'intelligence décode que l'homme ne traverse pas les murs. L'intelligence se retire. Ça se fait 20 fois l'intelligence va vouloir traverser le mur, et 20 fois l'intelligence va rentrer l'homme dans le mur. L'intelligence, c'est quelque chose d'intelligent. Intelligent ne veut pas dire plaisant pour notre ego. Intelligent veut dire fonctionnant à partir d'une logique qui est inébranlable et qui ne peut pas être atténué et coloré par de la mémoire, donc par de l'émotion ou par des désirs. Pourquoi l'intelligence doit-elle implicitement cellulariser, muter le corps physique dans lequel elle descend avant de se retirer pour le laisser se reposer? D'où l'évolution de pathologies physiques, vitales, astrales et mentales. Parce que lorsque l'intelligence du savoir instantané, lorsque l'intelligence descend chez toi, elle te sait. Mais elle te sait comme tu es là. Et elle se fie à ce qui est là. Et si ton ego ne pense pas, si ton ego n'a pas d'inhibition pour les murs, si ton ego n'est pas paramétré de certaines façons, si ton corps physique n'a pas telle limitation, l'intelligence te prend et te rentre dans un mur. Bang, tu tombes sur le cul. L'intelligence sait que tu ne traverses pas les murs. Et maintenant, va commencer le processus de contact supramental. Fais attention. Lorsque l'intelligence te manipule à faire ceci, cela, cela, il n'y a pas de contact supramental. Il y a manipulation supramentale. Mais c'est de l'esprit qui descend comme ça et qui manipule ton corps physique, juste simplement parce qu'elle se cherche un corps physique dans lequel elle pourra placer de l'information à caractère supramental, même si c'est de l'information mémorisée. Donc, c'est de l'information supramentalo-astrale. L'intelligence supramentale descend dans ton corps physique, elle te rentre dans le mur, tu tombes sur le derrière, bon. Là, elle va transformer des cellules au niveau de ton système neuronique. Elle va jouer avec ta chimie. Elle commence le processus de mutation mentalo-astralo-vitalo-physique. Et elle laisse des traces. Elle se retire. Lorsqu'elle revient, elle sait comment tu es. Et elle sait les traces qu'elle a laissées. Et elle sait que tu ne peux pas traverser les murs. D'où l'importance de la cellularisation dans le phénomène du toucher supramental. Parce que sinon, tu recommences sans arrêt les mêmes maudites expériences, parce que tu n'as pas été cellularisé, soit que tu n'étais pas cellularisable, soit que l'expérience supramentale était trop puissante, l'intelligence s'est retirée pour cesser de te massacrer avant d'avoir pu te cellulariser, donc t'es muté. Qu'est-ce que l'intelligence vient faire ici? Donc, c'est une question d'obligation. Elle n'a pas le choix, elle se ramasse ici. L'intelligence est obligée d'incruster dans le corps physique, dans les corps physiques humains, son passage de façon à ne pas recommencer les mêmes expériences chaque fois que l'intelligence touche l'homme. Si à un moment donné, on a un contact supramental, ça veut dire qu'il reste dans notre corps physique, dans notre corps vital, astral et mental, une saveur très logique de l'intelligence. Donc, nous sommes maintenant capables, l'ego, de nous servir de la trace supramentale pour continuer à vivre comme si nous étions contactés alors que l'intelligence s'est retirée. Lorsque l'intelligence revient, soit par technique, soit par mutation, par évolution ordinaire, lorsque l'intelligence revient dans le corps de l'homme, elle sait ce qu'elle sait, et donc on pourrait dire qu'elle connaît l'expérience de son premier passage. En réalité, elle ne connaît pas, c'est le corps qui connaît l'expérience du passage supramental, mais l'intelligence supramentale l'ayant codifié pour pouvoir le relire, elle sait l'expérience de son premier passage, et maintenant, elle va tenter une nouvelle expérience. Elle le sait à cause que le corps s'en rappelle. Parce du moment qu'elle vient se tremper, ben, oui. Parce qu'elle l'a gravé dans le corps. Reconnaissance de ce qui se passe à ce moment-là. Parce qu'elle l'a gravé dans le corps, donc une mutation supramentale, donc on peut dire qu'il y a contact. Il n'y a pas fusion encore. Avec le double, il n'y a pas de double de commencer à créer. Mais l'intelligence, c'est toute la même chose. C'est l'intelligence qui te touche, qui touche tout le monde, c'est la même intelligence. Oui. Il n'y a pas de différents niveaux. C'est la même chose. Oui, par contre, dans l'intelligence qui touche un individu, il y a différents niveaux. Est-ce que l'intelligence se rappelle, par exemple, de m'avoir touché, un exemple? Et puis, je ne sais pas si elle veut s'en rappeler. On va prendre un autre. Est-ce que l'intelligence se rappelle d'avoir touché un individu? L'intelligence ne se rappelle pas d'avoir touché un individu. L'intelligence ne se rappelle pas non plus de t'avoir touché. Lorsque l'intelligence te retouche, là, elle va savoir qu'elle t'a déjà touché. Elle ne s'en rappelle pas. Ça n'a rien à voir pour l'attirer. Non. Par contre, si tu l'as déjà attiré, ou si quelqu'un l'a déjà attiré, c'est qu'il a les substances mentales. Il a, disons, cette sécrétion d'énergie supramentale, mentale, et nécessairement, si tu l'as attiré une fois, tu vas la réattirer une autre fois. Elle n'a pas besoin de s'en rappeler, c'est mécanique. Ça veut dire qu'elle n'est pas attirée, mais est attirée. Elle est attirée par le plan mental, mais elle n'est pas attirée par le contexte planétaire de l'homme. C'est pourquoi... Le plan mental d'un individu. Oui. C'est pourquoi la structure physique? Non, c'est pourquoi son intervention est toujours négative dans le début, parce qu'elle n'est pas attirée par la structure planétaire, elle est attirée par le mental de l'homme. Donc, c'est un chien dans un jeu de quilles. Mais le mental... Le mental de l'homme... Regarde, c'est facile. Le plancher, c'est le corps. Les quilles, c'est le corps vital. Les numéros sur les quilles, c'est le corps astral. Puis le petit morceau de viande entre les quilles, c'est le plan mental. Fait que le chien, il rentre dans le jeu, et c'est l'autre viande qu'il veut. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les pieds, ils revolent un peu partout. Tout est sali, tout se promène. Pourtant, le chien, on voulait pas au quai, on voulait pas au plancher, on voulait pas au numéro, il voulait juste le morceau de viande. Alors, est-ce que les quilles ont attiré le chien? Non. Est-ce que globalement, le système a attiré le chien? Non. C'est le morceau de viande, qui est le plan mental, qui a attiré le chien. L'intelligence, tout le monde le sait, c'est le chien. Alors, voilà. L'intelligence se nourrit du mental de l'homme. Non. L'intelligence nourrit le mental de l'homme et elle touche la structure créée, l'intelligence, quelque chose qui est créé, mais qui ne peut pas se connaître, qui ne peut pas se savoir, tant qu'elle n'est pas exprimée par l'homme. Lorsque l'intelligence commence à toucher l'homme, elle est humanisée. Elle n'est pas terrestrifiée, elle est humanisée. Donc, elle devient goûtante du plan astral de l'homme, ce qui permet à l'intelligence de savoir l'homme. Et lentement, l'intelligence a la faculté de transposer l'expérience qu'elle vit dans l'homme à travers la structure galactique. De ce fait, elle avertit les hiérarchies qui attendent après l'évolution de l'homme que l'homme est en train de monter. Et elle grossit, c'est-à-dire qu'elle peut créer une synergie nouvelle, une synergie qui est intemporelle dans la structure supramentale, mais qui provient et qui dépend des structures expérientielles de l'homme. C'est-à-dire que l'intelligence a nécessairement besoin de l'astral. L'intelligence sert nécessairement de l'astral. Et si l'astral ne serait pas là, l'intelligence ne servirait pas de l'astral. Parce que le corps ou l'individu se rappelle d'avoir été touché sans s'en rappeler consciemment, mais ça fait bouger des choses. Et c'est mémorisé dans le corps, ou cellularisé, c'est la même chose. Mais tout ce phénomène-là, c'est créé par l'astral. Sans astral, il n'y aurait pas de mémorisation. Exact. Ça veut dire que l'intelligence ne pourrait pas voir le changement qu'elle a créé chez l'individu. L'intelligence n'est jamais attirée par quelqu'un qui n'a pas d'astral s'il n'a pas de mental, parce que le mental est de l'astral logique. Le mental provient de l'astral, donc le mental de l'astral logique. Le mental se sert des mémoires, le mental se sert de l'expérience qui a été astralisée. Le mental, c'est le périsprit de l'âme, donc le mental est capable de se servir des mémoires. Donc, s'il y a un mental sans astral, c'est-à-dire que s'il y a le périsprit sans égo et sans mémoire volatile, l'intelligence supramentale descend encore et elle laisse plus facilement ses traces, donc elle supramentalise l'humain. Cela veut dire qu'elle finira par créer le double éthérique. Le double éthérique, c'est le summum de l'expérience planétaire entre le contact de l'homme et l'intelligence supramentale. Autrement dit, l'intelligence supramentale et l'homme, lorsqu'ils se scindent ensemble, lorsqu'ils se soudent ensemble, lorsqu'ils se fusionnent ensemble, se détruisent mutuellement. Toute intelligence supramentale qui aura touché la Terre sera détruite. Tout le phénomène évolutionnaire humain, donc les quatre corps inférieurs de l'homme qui auront touché le plan supramental, seront détruits. Et toutes ces deux choses-là seront transmuées en double éthérique, qui sera un double de lumière, donc un corps de lumière, qui pourra se matérialiser dans une apparente forme planétaire et qui pourra aussi voyager à travers des transports séraphiques d'une galaxie à l'autre. Mais il n'y aura plus le corps physique de l'homme, il n'y aura plus le corps astral, vital et mental, il n'y aura plus non plus de contact supramental, c'est-à-dire qu'il y aura un esprit de moins où il y aura une expérience ou une expression astritique de moins dans le contexte galactique. Il n'y aura plus besoin d'avoir de Terre, non, de planète. Il n'y aura plus rien. Ça va être encore là, mais lui, il n'en aura pas besoin. Son monde va... Ça ne servira à rien. Non, pas pour lui. Ça va disparaître. L'intelligence supramentale n'a pas besoin de l'homme. L'intelligence supramentale se sert de l'homme. L'intelligence supramentale n'a pas besoin de l'astral, elle se sert de l'astral. S'il n'y a pas d'astral, elle ne s'en sert pas. Il n'y a aucun problème. Elle s'en sert pourquoi? Elle se sert de ce qui est là, mais pourquoi? Elle s'en sert simplement pour, comme tout à l'heure je l'expliquais, c'est que il y a une chose qui échappe au phénomène supramental, c'est le contexte planétaire, il est trop refroidi. Il n'est pas décodable, l'intelligence supramentale ne peut pas, dans son savoir instantané, lire le contexte planétaire. Elle a l'expérience des événements globaux, mais elle n'a pas l'expérience, elle ne peut pas parvenir à assimiler ce phénomène-là. Cela engendre une dépression dans le phénomène supramental, un trou, qui est notre contexte planétaire. Étant donné que la Terre, comme j'expliquais, ne l'attire pas, mais que le plan mental de l'homme parvient à sécréter des phénomènes qui sont similaires au plan supramental, c'est d'ailleurs ce qui a créé les hautes sphères de la spiritualité astrale. C'est la vision mentalo-supramentaloïde, la forme supramentale de l'homme. C'est l'engendrer les hautes sphères spirituelles de l'ésotérisme, de l'alchimie et de différentes religions. Maintenant, ces sphères attirent l'intelligence supramentale et non pas supramentaloïde, qui, elle, descendant, aura lentement une forme astraloïde, une forme qui ressemblera à celle de l'astral, de façon à ce que les deux morceaux puissent s'assujettir l'un à l'autre, s'associer ensemble. Maintenant, le ciment sera nécessairement le rectificateur de pensée, l'ajusteur de pensée, donc le phénomène mental. L'intelligence, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit cesser de considérer que l'intelligence a de l'intentionnalité. L'intelligence n'est pas intentionnelle. L'intelligence n'a pas de but, n'a pas d'objectif, donc elle n'a pas de besoin. Elle est paramétrée par d'autres hiérarchies. Ouais. Lesquelles? Il y a une hiérarchie, il y a plusieurs hiérarchies. Il y a, mais les mots sont très injustes, donc je vais mettre des mots, mais ces mots-là, ce sont des parallèles. Faire attention, donc, ce ne sont pas des choses absolues, ce sont des exemples en mots. Pour que l'ego, pour que le plan mental de l'homme qui travaille avec les mots, qui structure sa descente d'énergie en fonction des formes orales, donc des mots, puisse comprendre. Alors, il y a la masse végétative qu'on appelle l'homme, il y a la masse animale, un paquet de cellules matérielles extrêmement évoluées, qui est l'homme, qui doit s'alimenter, qui est dans un contexte de prédateur, qui doit excréter, et etc. Un contexte où seule la vie est immortelle, la vie appartenant au plan vital, le plan vital étant le contexte supramental terrestrifié, donc la vie est éternelle et immortelle, mais la forme s'oublie donc, les corps physiques meurent et renaissent, alors que la vie est transmise d'un corps à l'autre. L'être humain a près de 30 millions de réincarnations en même temps chez lui dans l'ère actuelle, donc vers la fin du 20e siècle. La majorité des races blanches ont près de 30 millions de réincarnations de mémoire d'individus réincarnés chez eux, plus toutes les parties de mémoire, quelques milliards de parties mémorielles qui s'incarnent en même temps chez l'individu. Ça, c'est la valeur actuelle d'un corps physique habité par sa structure héréditaire dans le contexte non planétaire. Cette masse est une masse qui est capable de synergiser suffisamment les choses pour engendrer le phénomène mental qui attire le phénomène supramental. Maintenant, il y a toujours un phénomène qu'on ne peut pas expliquer, enfin qu'on peut expliquer mais qui est difficile à comprendre, celui de l'absolue nécessité, à partir d'un point de vue créationnel, l'absolue nécessité d'éliminer la création qui est dirigée par l'inabsolue non-nécessité de faire le même travail à partir d'un point de vue extra-créationnel. Du point de vue extra-créationnel, l'univers n'existe pas. Du point de vue créationnel, si nous voulons et nous sommes énergétiquement obligés de vouloir retrouver la même nature que celle de l'extra-créationnalité, c'est-à-dire que et ce qui nous constitue appartient à l'instantané. Étant donné que ce qui nous constitue appartient à l'instantané, toute la structure de ce qui nous constitue tend à retrouver l'instantanéité. Mais ce qui est constitué est mémoriel, et tout ce qui est constitué ne veut pas devenir instantané, mais préfère rester mémoriel. C'est la friction, donc, entre l'instantané, on pourrait appeler ça la tête de Dieu, et l'homme, qui a été créé, qui est engendré par les pieds de Dieu. Les différents orteils sont les différents dieux, les différentes théologies. Les hiérarchies dans la création qui vont être assujetties à ce qu'ils vont comprendre, qui vont comprendre et par un savoir plus instantané que le nôtre, qui vont comprendre la mécanique qui oblige la structure énergétique constituant toute la création mémoire compris, qui vont comprendre cette mécanique qui oblige cette structure à redevenir de l'instantanéité. Ces phénomènes comprennent tellement bien ce qui se passe qu'ils ont totalement détruit les possibilités de diffusion, les possibilités de terrestrification, donc de densification, donc d'involution, donc de dévolution. Ils ont totalement détruit les possibilités qu'ils auraient pu avoir de poursuivre leur mémorisation, leur mémorialisation, donc leur densification. Ces hiérarchies font partie des plans bouddhiques. Ces hiérarchies font partie de la gestion de conscience d'un super-univers et des contacts entre les super-univers. Et ces hiérarchies ont la capacité de programmer l'intelligence supramentale pour engendrer des concepts, donc pour engendrer des formes dans l'intelligence supramentale, formes qui pourront s'associer comme un casse-tête à la structure très casse-tête de l'évolution fusionnelle des différents corps de l'homme jusqu'à l'étape actuelle de notre expression. Autrement dit, il y a des hiérarchies. Hiérarchie, c'est un point de vue spirituel, évidemment. De leur point de vue à eux, ils ne sont pas hiérarchisables. C'est-à-dire qu'elles ont totalement accepté ce qui est inévitable. Alors que l'homme, lui, n'a pas accepté ce qui est inévitable et que l'homme espoirise toujours l'inévitable en espérant qu'il pourra le rendre différent en fonction de ses mémoires, en fonction de la préservation de ce qu'il est, en fonction de la préservation de sa chute. Lorsque l'être humain est descendu, il est passé par des phases que nous connaissons actuellement et il est arrivé à un point zéro. ne peuvent pas vivre d'espoir, ils ne peuvent pas colorer, faire de projections. Ces hiérarchies ont construit, dans le plan bouddhique, des mécaniques qui confinent le plan supramental à s'associer à l'homme pour que, dans les mondes refroidis où vit l'homme, pour que l'homme puisse parvenir, lui aussi, à accepter d'une façon absolument absolue l'irréversibilité des choses, c'est-à-dire la digestion du temps au travers de sa conscience héréditaire et réincarnationnelle, ainsi que la mécanique totalement inchangeable de la fusion de toutes les mécanicités énergétiques qui ont constitué la création. Autrement dit, prenons la hiérarchie du plan bouddhique qui manipule d'une façon particulière l'intelligence, qui manipule l'homme. Prenons ce phénomène et terrestrifions-le, c'est-à-dire dessinons que c'est un être humain. Il y a l'être humain qui a totalement accepté le fait que quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, quoi qu'il pense, ça ne va rien changer. Il y a l'humain qui a totalement accepté le fait qu'il doit s'alimenter, qu'il doit aller excréter, qu'il doit dormir, qu'il doit se lever, et ça finit là. Il y a l'humain qui ne lutte plus contre le sommeil, il y a l'humain qui ne lutte plus contre l'involution, contre la souffrance, contre la mort, contre rien de ça. Il y a l'humain qui a tellement accepté l'évolution des choses, c'est-à-dire que l'humain s'achète un automobile et il a accepté dès l'achat, même avant même de l'acheter, qu'un jour il la perdrait. Alors il ne souffre pas d'une poque, il ne souffre pas de la rouille dessus, il ne souffre pas du tout de cet automobile. Cet humain sait qu'une rencontre est toujours le début d'une séparation. C'est inévitable, il l'a accepté. Lorsqu'il rencontre quelqu'un, il ne peut pas l'aimer comme l'humain l'aime, parce que dans l'amour de l'humain, il y a toujours l'espoir de l'entretien de ce contact. Alors lui, il l'aime d'une façon intelligente, mécaniquement relié au plan bouddhique, il l'aime d'une façon libérée, parce qu'il a déjà accepté, avant même de rencontrer l'individu, qu'un jour l'individu ne sera plus là. Cet individu, ça n'existe pas encore sur le plan planétaire, mais on parle encore de phénomène bouddhique, il a tellement accepté l'irréversibilité, l'inchangeabilité des choses, qu'il est totalement désassujetti de toute structure mémorielle, de toute structure astrale, de toute structure humaine qui, elle, refuse et espère à travers l'évolution mécanique qui est totalement libre de l'intentionnalité astralisée de l'homme, qui n'est absolument pas contrôlée par l'homme. Alors, ce phénomène est une hiérarchie du plan bouddhique, hiérarchie du point de vue de la valeur énergétique, spirituelle que nous pourrions placer dans notre conscience astralisée, mais pas hiérarchique en fonction d'un orgueil. Cette hiérarchie ou ces hiérarchies ont engendré des mécaniques. Une mécanique est toujours une technique. Une technique, c'est quelque chose qui, à certains points de vue, sert plus, à d'autres points de vue, sert encore, et dans d'autres points de vue, est totalement inaccessible présentement. C'est comme une marche. Et ces hiérarchies structurent l'intelligence supramentale pour que l'intelligence supramentale parvienne à s'associer à l'intelligence de l'homme ou à l'aberrance de l'homme, l'intelligence astrale de l'homme, de façon à ce que l'homme parvienne lui aussi un jour à accepter cette irréversibilité et à accepter les choses telles qu'elles sont. Tant que l'être humain a la faculté de prendre de l'énergie dans le contexte cosmique, le soleil en émet sous forme de photons jaunes, l'être humain les absorbe et réémet sous forme de photons rouges une coloration relativement marquée, c'est l'infrarouge de l'homme, qu'on peut voir avec des lunettes spéciales, on va l'air ou avec un appareil photographique, qu'on sait que l'homme émet de la lumière. Et lorsque ces photons rouges sont exprimés, ce sont des photons mémoriels qui contiennent beaucoup plus d'informations mémorielles que le photon jaune, et le photon blanc, qui n'existe pas comme tel, c'est un rayonnement extrêmement blanc, ne contient absolument pas de mémoire. Lorsque l'être humain refuse, lorsque l'être humain dans son astralité veut continuellement espoiriser l'avenir, contingencer l'avenir, cristalliser l'avenir, créer des mémoires futures dans l'avenir, il oblige l'expression de l'énergie pure en expression d'énergie mémorielle, ce qui, veut pas, affecte énormément toute la structure libératrice de la création. Donc, nécessairement, l'être humain est une structure extrêmement pénible pour la création, bien qu'en même temps, il soit la seule source de savoir instantané que, du point de vue de la spiritualité, on pourrait appeler l'expérience, mais ce n'est pas de l'expérience, point de vue supramental, et bien que l'être humain soit la seule source de la possibilité d'union entre l'acceptation et la matière, donc l'inacceptation des choses, entre l'acceptation et la mémoire, entre l'instantanéité et la mémoire. Donc, de par ce point de vue, l'homme devient la solution à la création. L'intelligence supramentale n'a pas besoin de l'homme. Elle est mécanique, elle est actionnaire, c'est-à-dire qu'elle agit en fonction de mécaniques sur lesquelles elle va s'appuyer. de ce point de vue, elle est réactionnaire, du point de vue de l'homme, elle est actionnelle. Et il y a ces hiérarchies qui ont engendré dans la structure supramentale des mécaniques qui peuvent être implantées dans la conscience de l'homme pour permettre au mental de l'homme d'instruire son ego, pour former dans la conscience mentale ou astrale de l'homme une technicalité, des techniques neuves qui vont permettre d'accélérer la mutation corporelle pour permettre à l'intelligence supramentale de laisser de plus en plus de traces mutatoires dans la conscience biologique, vitale, astrale et mentale de l'homme, de façon à ce que chaque fois que l'intelligence, que chaque fois qu'une intelligence descend en contact avec l'homme, elle puisse immédiatement comprendre l'expérience astrale ou supramentale qu'il y a déjà eu dans l'homme, de façon à pouvoir s'ajuster de mieux en mieux en fonction de la libération de l'homme. Donc, il existe des techniques qui sont dans le plan bouddhique, qui sont bâties pour s'adresser à la structure évolutive de l'homme. Il existe donc des techniques qui ont été intelligencées par l'intelligence instrumentale et qui s'adressent aussi à la mutation de l'homme. Mais je répète que l'ego de l'homme là-dedans, on s'en fout. L'astral de l'homme, on s'en fout. Le désir de l'homme, on s'en fout. La mémoire de l'homme, on s'en fout. Le corps de l'homme, on s'en fout. Jusqu'à une certaine façon. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui ne veut pas changer. C'est ce qui ne veut pas changer. C'est ce qui veut conserver la mémoire. Et ça n'a rien à voir. C'est dans la création. Tout ce qui nous constitue, nous, en tant que mémoire, a une seule voie. Devenir instantané. Donc, nous sommes totalement faits. Quelle que soit la consistance mémorielle qu'on voudra conserver, la mémoire ne peut pas persister. Nous allons prendre les meilleures photos que nous voudrons. Elles vont jaunir. Le papier va se défaire à un moment donné. Même si ça prend 2 millions d'années, veut pas, ça va se démolir. Tout ce qui est mémoriel est obligatoirement assujetti à devenir instantané parce que toute la structure mémorielle qui constitue notre création est bâti à même une énergie instantanée. Donc, c'est une illusion très totale, très absolue, que ce que nous vivons. Et toute l'évolution de l'homme qui ne comprend pas, donc de l'humain, est basée sur l'entretien de la mémoire, alors que ce qui constitue la mémoire est construite avec de l'énergie instantanée qui de toute façon ne pourra pas supporter la forme plus longtemps qu'un certain nombre d'années standard. Est-ce que l'homme... Est-ce que l'être humain, avant d'accéder au double éthérique unitaire, est-ce que l'être humain, avant d'accéder au double éthérique unitaire, va nécessairement vivre ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire être tout simplement? L'acceptation inconditionnelle des choses qui ne sont pas changeables. Oui. C'est-à-dire qu'on s'en va, ça serait de devenir une roche non. Consciente. Ah ben OK. Non, mais c'est ça, une roche consciente, c'est clair. Présentement, on est très loin de ça. Tout le travail qu'on commence, on veut bâtir, on veut construire, mais c'est finalement, c'est le néant. Parce que ça change rien. Je me dis, bon, on va se croiser deux bras, puis on va attendre. Mais je sais que c'est pas la solution. Je suis manipulé à faire d'autres choses. Mais je pense à ça, et puis vraiment, là, je suis écarté. Là. Pourquoi? Parce que c'est l'ego, présentement, qui pense à ça. Et l'ego ne peut pas faire autrement que d'être écarté, parce que l'ego, qui est de la mémoire, ne peut pas parvenir à comprendre ce que c'est que l'instantané et la relation qui peut exister entre la mémoire et l'instantanéité. L'intelligence peut comprendre la relation, elle peut comprendre quel sera le terrain d'entente entre la mémoire et l'instantané. Mais l'ego et la mémoire ne peut pas parvenir, il manque d'énergie. Oui, mais c'est parce qu'on est... Je voudrais bien être une roche consciente, moi. Mais c'est parce que je dois me nourrir pour l'instant. Je dois travailler. Je dois semer, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je vive. Mais pour vivre, je peux pas faire autrement que faire ce que je fais présentement. Mais donc, je peux pas imaginer arriver à ça. Oui, mais il faut faire attention. Tu es aussi une roche consciente. Parce que la roche, elle fait ce que son corps physique lui permet de faire. Tandis que toi, si tu es une roche consciente, tu assumes aussi. Regarde ceci. L'humain le plus évolué, c'est celui qu'on peut placer avec son corps physique dans un cercueil. Un cercueil totalement serré, très, très, très, très petit, qui moule la forme de son corps, à un point tel que si le cercueil a moulé les doigts écartés, il ne peut pas les rapprocher ni les bouger, le cercueil le moule. L'individu totalement là-dedans, on lui donne de l'oxygène, on lui permet une alimentation et une excrétion convenable, mais il ne peut absolument pas bouger, et ce cercueil-là, il est en verre. Donc, l'individu peut voir. Et on le largue d'une navette spatiale en plein milieu de l'espace. Ouais. Bon, un instant. Là, ce cercueil, il est parti. L'individu a pour 2 années-lumière de vie et on l'envoie sur une planète quelconque. Disons qu'il a pour 5 années-lumière de vie, on l'envoie en direction d'Alpha du Centaure. Il est anesthésié. Mais à un moment donné, il se réveille. C'est normal, c'est prévu qu'il va se réveiller. Mais il se réveille 3 années-lumière avant d'être arrivé au but. Tout ce qu'il peut se dire, c'est qu'il ne peut pas bouger, il peut voir la galaxie, il peut voir les choses. Et tout ce qu'il peut se dire, c'est « j'aurais fait mieux de dormir ». Encore 3 années-lumière à attendre. Alors là, maintenant, il essaie de dormir, il fait des techniques, il essaie tout ce qu'il pourra pour arriver à dormir. Il parvient à dormir des fois, mais il se réveille trop souvent. Et plus ça va, plus il se sent réveillé, plus il a le goût de bouger. Alors, il est fait. Il ne peut rien faire parce qu'il n'est pas arrivé, mais il ne dort plus. Alors, il doit commencer à faire des techniques. Des techniques pour pouvoir bouger. Alors, il bouge dans son corps. Il ne peut pas bouger le corps. Alors, il essaie différentes choses pour pouvoir accélérer la propulsion de son cercueil, pour pouvoir dormir, pour pouvoir rêver, pour pouvoir voyager à l'extérieur du cercueil, même si ton corps physique reste dedans. Mais une chose certaine, c'est que si tu es un être humain extrêmement évolué, quand tu te réveilles, tu dis « Ah, tiens, je suis réveillé. » Bon, ben, voilà, ça ne change rien, rien. Fait qu'il regarde les étoiles passer, puis il continue à attendre 3 années-lumière, encore 3 années la vitesse de la lumière. Il attend encore 3 heures sans bouger. C'est tard. Il ne peut rien faire d'autre. Celui qui n'est pas évolué, lui, il va tout faire. Il va avoir un corps physique intéressant quand il va arriver là-bas. Lui, il va être morfondu, défait, totalement digéré. Son astral va l'avoir lui-même digéré. Il va être mort. Il ne peut pas vivre. Il va être mort. Totalement désagrégé. L'intelligent, celui qui est totalement évolué, il s'en fait pas. Présentement, tu es dans un corps physique animal. Tu es dans un contexte où les lois de la mécanique te permettent une certaine action. Donc, ton cercueil te permet de fermer tes doigts, mais tu ne peux pas lever la main. Hein? C'est ce qu'on est ici. On a une certaine apparence de liberté, totalement confinée dans des paramètres très, très, très serrés du cercueil. Ce qui, présentement, s'est réveillé, il faut bien comprendre, c'est que ce qui se réveille est dans le cercueil. Le cercueil, c'est le corps physique, c'est le corps vital, c'est le corps astral, c'est le corps mental. Et ce qui se réveille dedans, c'est la conscience, l'intelligence, c'est toi, c'est moi, c'est la conscience de celui qui a de la conscience. Et tout ce qu'il peut décoder, c'est qu'il est pris. Il doit être confiné dans un corps physique qui doit aller aux toilettes, glorieux, qui doit manger, qui doit faire ceci, faire cela, et qui est assujetti totalement à des mécaniques comme la colère, la honte, l'angoisse, l'espoir, qui est la mécanique de l'ego. Qu'est-ce que l'on peut faire? On ne peut rien faire. Par contre, on ne peut rien faire dans l'apparence. La seule chose qui est possible de faire, c'est de donner à l'intelligence supramentale le plus rapidement la possibilité de connaître, donc de savoir ce que nous sommes, comment nous sommes faits et comment nous sommes transformables. Autrement dit, tout ce que nous pouvons faire, c'est de donner le plus d'informations possibles à un vaisseau qui part d'Alpha du Centaure, à la recherche des cercueils qui sont habités par un humain réveillé, donner de l'information pour que ces vaisseaux puissent repérer ces cercueils, les ramasser, les amener plus rapidement. Mais là, nous sommes là, nous autres, et nous essayons de donner l'information exactement comme quand nous essayons de faire bouger un verre. Est-ce que je dois tout mettre pour qu'il se tasse? Là, je me rends compte que c'est mon corps qui absorbe tout, donc c'est pas ça. Est-ce que je dois le visualiser qui bouge? Là, c'est dans ma mémoire, le verre astral se promène, mais pas celui-là. Est-ce que je dois prendre ma main et le pointer? Tant qu'on n'aura pas la mécanique de l'interpréteur actionnel qui va faire bouger le verre, ça ne bougera pas. Alors, on peut en passer du temps. Pourquoi? Parce qu'on essaie de le bouger en fonction de ce que nous connaissons, nous, de quand nous bougeons les choses. Ça ne marchera pas. Lorsque l'ego réveillé, par l'intelligence qui maintenant se réveille dans le cercueil, essaie de faire bouger le cercueil, il va le faire bouger, il va essayer de le faire bouger en fonction des lois intérieures au cercueil. Mais la communication qu'il doit établir fait partie des lois extérieures au cercueil que l'ego ne connaît pas. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est comme la majorité font déjà, mais pas assez. Pourquoi pas assez? Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de mutations chez eux pour que l'intelligence supramentale laisse suffisamment de traces pour forcer la manipulation de l'ego à travailler plus vers la conscientisation. C'est déjà mieux que beaucoup de corps physiques, mais c'est quand même pas assez. Donc, il y a cette hiérarchie qui paramétrise le phénomène supramental, qui vient implanter dans la trace de l'homme, dans les quatre corps inférieurs de l'homme, qui vient premièrement faire de l'espace pour qu'on puisse rentrer un implant qui va manipuler la structure manipulatrice et manipulative de l'ego de l'homme pour que toute forme de manipulation provenant de l'extérieur, donc du cercueil, de l'extérieur de l'homme dans le plan astral, soit transformée lorsqu'elle vient parler à l'homme, on l'a vu un peu au niveau du dernier PMC+, pour que toutes les inhibitions archétypales placées dans la conscience de l'homme puissent être démolies les uns après les autres. Donc, l'intelligence commence par créer des implants sur les implants. Alors, on a déjà vu que lorsque l'être humain a été créé, il y a eu possession par un virus qu'on appelle l'âme, et il y a eu de la part des dieux, des divinités archétypales, des implants particuliers qui font en sorte que tout le corps physique de l'homme reste bien sujeté à la mémoire, et que chaque fois qu'un levier de l'intelligence descend, il doit descendre par une voie particulière. Lorsqu'il descend par une voie particulière, il touche une de ses inhibitions qui immédiatement fait en sorte que l'ego bouge d'une certaine façon, déconnectant totalement l'ego du contact supramental pour l'empêcher de comprendre. Chaque fois que cela se fait, ça ne fonctionne plus. L'intelligence supramentale prend donc énormément d'années à recréer des implants, donc à implanter dans la conscience de l'homme des anti-implants astrales pour que lorsque l'intelligence va descendre, que la mécanique anti-intelligence devienne une mécanique pro-intelligente, et là, ça crée une perturbation totale. Plus nous allons faciliter par un travail relativement assidu l'implant contre ces implants, on a les implants agonistes, on voudrait qu'on place des implants antagonistes, donc des mécaniques qui vont faire en sorte qu'au lieu de souffrir du contact supramental, qu'au lieu d'avoir peur du contact supramental, qu'au lieu d'être dépressif par le contact supramental, qu'au lieu d'être malade lors du contact supramental, on finisse par voir l'inverse. Plus on a de contact, plus on est en santé. Plus on a de contact, plus on est positif. Plus on a de contact, plus on est joyeux. Plus on a de contact, plus on est jeune. Et ces mécaniques, ce sont des mécaniques technicalisables. C'est-à-dire que dans la conscience décodée par le mental, pour la conscience astrale, il y a des moyens. Des moyens qui vont obliger la mutation du corps physique par le contrôle de l'intelligence supramentale en vue de l'implant de ces nouveaux leviers pour que lorsque l'intelligence descende, elle est déjà des leviers avec lesquels elle peut jouer pour faciliter la mutation de l'homme, donc la libération de l'homme du cercueil, des contraintes de l'astral, et ramener l'homme directement sur Alpha du Centaure, c'est-à-dire là où il doit décoller. Tout ça est prévu, mais ce n'est pas prévu qui va les appliquer. C'est pas prévu qu'il va appliquer les techniques, mais non. C'est prévu que quelqu'un va les appliquer pour être plus rapidement touché. C'est prévu que... sens prévu, c'est que le manipulateur extraplanétaire étant plus puissant que le manipulateur astral, nécessairement, c'est évident que ça va arriver. Mais du point de vue planétaire, toute information provenant du plan supramental, toute ingérence de l'intelligence supramentale n'est pas sue, n'est pas connue, n'est pas prévisible. De ce fait, toute la mécanique astrale au complet, même si elle est programmée par sa mémoire, peut être faussée par l'ingérence d'intelligence qui arrive présentement depuis quelques années. En plus, tout ce qui provient de l'extérieur n'étant pas connu en bas, d'ici, on ne peut pas connaître qui va être touché par l'intelligence, parce qu'on ne connaît pas l'intelligence. De l'extérieur, l'intelligence sait que ça va être parfait, mais elle ne connaît pas nécessairement le nom de l'individu en bas, parce qu'elle ne connaît pas ce qui est en bas. Par le rectificateur et l'ajusteur de pensée, donc par ce qui va prédigérer l'intelligence pour le donner à l'homme, pour que l'homme puisse maintenant finir la digestion, là, il y a ceux qui savent. Mais ça vaut même pas la peine de savoir, c'est évident que le moindre moment que tu es capable de comprendre le nom les barbites, tu es déjà sur une trame de programmation. Par contre, qu'est-ce qui peut être fait? Il peut, je le dis souvent, pourquoi je le fais pas, c'est que l'humain n'est pas prêt, je le dis souvent de façon à créer une obligation astrale d'engendrer cela à un moment donné. Ce que je dis là est dangereux, tant pis. Des aubaines, il y en a toujours. Fait que si ça colore tout, ça colore tout, et si ça fait que ça défait tout, ça défait tout, ça recommencera. Un peu plus tard. Je dis souvent que l'homme, que tous ceux qui travaillent sur ce phénomène supramental, ce qu'ils auraient besoin pour avancer plus rapidement, c'est de vivre dans un monastère. L'humain doit prendre plusieurs heures par jour uniquement axées sur la mutation. La mutation, c'est la transformation du corps physique de façon à ce que la manipulation de l'intelligence se fasse de mieux en mieux et que la manipulation de l'astral se fasse de moins en moins. C'est évident que si on dit à l'humain, ah ben, il n'y a rien à faire présentement, continuez à faire ce que vous faites, ça marche, c'est vrai. Mais c'est évident aussi, c'est ce qui est arrivé dans l'avenir, donc c'est évident aussi, que si l'humain serait capable de prendre 16 jours sur 7, 8-9 heures par jour, uniquement axé sur cette mutation, en dedans d'un an, il serait totalement supramentalisé. Cela veut dire qu'il aurait la richesse, qu'il aurait la santé, qu'il aurait la jeunesse, qu'il aurait la conscience, qu'il aurait le savoir, qu'il serait totalement désassociatif du phénomène planétaire. Maintenant, l'humain ne peut pas prendre un an parce que l'humain n'a pas les structures astrales orchestrées de façon à lui permettre de risquer un an et de risquer une aventure pareille. Parce que pour l'ego, c'est une aventure. Maintenant, c'est que, comme dans n'importe quoi, si suffisamment d'humains décident que c'est oui et que c'est tout ou rien, donc tu ne mets pas un peu d'eau là, un peu d'eau là, un peu d'eau là, puis un peu plus là en espérant que ça marche, mais si ça ne marche pas, il t'en reste là. L'eau que tu n'as pas mis là, c'est ça qui manque, c'est ce qui fait que ça ne marche pas, ça. Donc en partant, ça ne marche pas. C'est tout ou rien, c'est qu'on y va, et puis dans un an, si rien n'a fonctionné, ben on suffira juste qu'on reparte comme on faisait avant, on sera des fois heureux comme on l'était avant, puis ça finira là. Mais de toute façon, l'humain va être sur 20 ou 30 marches plus haut pareil, même si ça n'a pas marché, c'est-à-dire qu'au lieu d'être rendu totalement haut, il aura déjà sauvé plusieurs dizaines d'années en faisant cette année sabbatique. Et il y a présentement au Québec tout ce qu'il faut pour que cela se fasse. Tout. Il y a le monastère qui attend, il y a les humains, il y a l'argent, il y a l'organisation, il y a la technique ou les techniques plaçables, il y a l'intelligence extraterrestre qui attend pour s'ingérer, il y a tout. Et il y a tout pour que ça n'arrive pas. Il y a l'astral qui s'en occupe, il y a l'ego individuel de chacun des individus, il y a l'ego individualiste qui essaient de copier l'individualité de conscience du plan supramental, donc deux qui sont en train de se connecter, mais qui ne peuvent pas se parler ni se voir à la face à cause que, etc. Il y a donc aussi différentes mécaniques pour l'en empêcher. Si l'humain, et c'est toujours le mot du problème, c'est que l'homme, la femme ou l'enfant ne fonctionne, et c'est parce qu'il est orchestré comme ça, c'est pourquoi le monastère, ça aide énormément. Je te donne un exemple, toi, tu décides de rentrer dans le monastère et une fois que tu es dedans, eh bien, tu es prisonnier. Et ce que je veux dire, c'est que tu n'auras pas le choix, tu ne décideras pas si tu le fais ou si tu le fais pas. Tu le fais. Pour que cela fonctionne bien, il faut qu'il y ait une certaine quantité d'individus qui soient placés là et il faut qu'on ait aussi une garantie. Et cette garantie, c'est que les enfants des individus doivent immédiatement être formés aussi selon la même structure. C'est pas une secte. Rien à voir une secte, c'est lorsqu'on prend un livre religieux, puis on adore quelque chose, puis on l'interprète à notre façon, puis on commence à l'adorer prétextant que les autres, c'est pas bon. C'est pas une secte. C'est un monastère. C'est une école. C'est une société. C'est pas une secte, ça n'a rien à voir. Pourquoi l'individu doit finalement être prisonnier? C'est pour que l'intelligence puisse inhiber totalement les inhibitions primaires qui font en sorte de le rendre paresseux, de le rendre ceci, de le rendre cela, de le rendre... L'individu qui doit se mettre en forme, qui doit avoir un entraînement physique pendant un an de temps, même si son ego lui dit « Ouais, mais peut-être que ça ne me servira à rien d'être aussi en santé. » De toute façon, même s'il s'est fait fourrer, quand il va sortir de là, il va être en santé, il va être en forme, il va être etc., etc., etc., etc. Plus une information totale en ce qui concerne les manipulations astrales, le monde des affaires, le ceci, le cela. Donc, il ne peut pas se faire avoir. Mais pourquoi il faut qu'il soit prisonnier? C'est pour éviter justement que l'astral continuellement vienne le sortir de là. Alors là, le monastère ne sert à rien, c'est-à-dire que tu as un endroit, tu as mis un paquet de choses, mais il y a encore de l'eau qu'on place ailleurs. Est-ce que tu deviens plus faible à l'astral par la suite en étant ayant été exclu de ce monde-là? Ayant été exclu des manipulations astrales, il va toujours en avoir un peu à l'intérieur de ça, mais... Il en a plus à l'intérieur, donc tu ne deviens pas plus faible. Comment il va en avoir plus? Pour la simple raison que là, toute l'astral extérieur et la tienne vont lutter pour te sortir de là. Oh, mais aussi puissant que l'astral du centre-ville, par exemple? Oh, bien, plus puissant. Bien plus puissant. Je n'ai pas dit que tu ne sortais pas du monastère. J'ai dit que tu ne sortais pas du monastère. Oh, pareil. Bon. Cela veut dire que tu peux aller dans le centre-ville faire des affaires, tu peux aller faire l'épicerie, tu peux même aller travailler pour faire certaines choses. Mais il y a un certain nombre d'heures. Tu rentres couché là, puis tu as un nombre d'heures extrêmement défini, qu'il n'y a rien à faire, qu'on s'en sort pas. Tu devras faire ces techniques, tu devras tout faire pour te muter. Alors, tu n'y échappes pas. Au niveau de l'astral, tu es toujours dedans, sauf que tu vas apprendre dès le début. Qu'est-ce qu'on commence à apprendre? Ben, c'est justement comment manipuler la chose. Quand on dit sortir de l'astral, là, en réalité, c'est simplement de faire peur à l'astral. C'est simplement l'astral qui te laisse. Mais on peut l'instruire à devenir plus forte aussi. On peut, mais... Nécessairement? Oui, mais nous, on devient plus fort qu'elle aussi. Si ça se fait, c'est ce qui arrive, il n'y a aucun danger. L'astral va devenir plus fort. Pas que toi, Dehors, ils vont manger de la merde encore plus. Mais ça, c'est normal, c'est correct. Tout ce que tu vas rejeter, il faudra que des individus le ramassent. Et le travail du monastère, c'est nécessairement de s'arranger pour que les individus le ramassent. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à temps que nous, on n'en ait plus du tout. Mais ensuite, eux, ils vont avoir le même rôle à jouer, puis l'astral va... Comment l'astral va-t-elle disparaître? Parce que l'astral, c'est dans quelques années que ça va disparaître, c'est pas tout de suite. Quand je te parle du phénomène du monastère, Une chose qui est possible, il faut que les individus se branchent à un moment donné, puis c'est évident que ça se fait. Mais quand l'astral va disparaître en s'énergisant. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de guerre et de pression. J'ai déjà expliqué que le périsprit de la planète Terre est rendu un étirement majeur. Il y a tellement de densification dans l'astral qu'elle s'attire elle-même par gravité. En plus, la courbure du système planétaire, l'astral étant relativement dense, le col sur le plan planétaire. Comme on a gonflé la ballonne à un point tel que le périsprit de la planète a de la misère à s'étirer plus, la pression interne astrale augmente. La pression interne augmentant, ça augmente la longévité des corps physiques sur le plan planétaire, c'est pour qu'on vit plus longtemps. Ça augmente les souffrances, ça augmente les stress, les illusions, ça augmente la problématique, les guerres, les suicides, les solides, en tout cas, ça augmente quelque chose. Plus on va mettre de l'astral dans l'astral, plus la pression interne va augmenter. Donc, si on se libère de la nôtre, puis nous, on en a un maudit paquet, donc chaque fois qu'un humain s'en libère totalement, il augmente comme si c'est à peu près la même quantité d'énergie astrale qui rentre dans le monde de la mort que tout ce qui peut être sécrété pendant une guerre mondiale. Chaque fois qu'un humain se libère de ce qu'il habite comme astral, alors ça va créer une pression tellement puissante au niveau du monde de la mort, ça va engendrer des guerres énormes sur le plan planétaire, des guerres entre les dieux, risque donc d'apocalypse. Et ça va nourrir le monde de la mort à un point tel que la chaleur à l'intérieur de ça va devenir tellement grande que la vibration va commencer à s'accélérer et que lentement, tout ce qui est astralisé va devenir mental, le périsprit va s'épaissir, devenant mental, va rejeter le bas astral vers l'homme, l'homme va l'absorber, et à un moment donné, cette mécanique va faire en sorte que l'homme va digérer cet astral, et là, le peu d'astral qui va rester dans le monde de la mort, sous la pression, va devenir du plan mental, puis de toute façon, l'homme, il n'y aura plus de monde de la mort. C'est-à-dire que l'astral va être transformé. Oui, comme dans l'homme, comme ça se fait dans l'homme. Là, l'exemple du monastère, il y a des hiérarchies ou phénomènes extraterrestres qui attendent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ou quoi qu'ils attendent? Ils attendent quoi ou quand? Ils attendent le temps ou ils attendent quelque chose? Ça dépend. Il y a différentes interventions extraterrestres qui n'attendent pas le camp, qui sont très humanisées, très astralisées, puis qui essaient d'avancer les choses. Il y a l'intervention extraterrestre qui s'en balance royalement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ce sera ça. Autrement dit, c'est qu'il y a des extraterrestres qui ne sont pas comme nous les connaissons, c'est-à-dire que c'est de l'énergie extraterrestre qui, si on les humaniserait, bien, ils sont assis dans un fauteuil comme ici, et puis ils attendent simplement que ça sonne l'alerte rouge. Ça fait déjà 3-4 000 ans qu'ils attendent, puis ça ne les dérange pas, il n'y a aucun problème. À un moment donné, ça va sonner, ils vont embarquer dans leur vaisseau, ils vont venir sur le plan planétaire intervenir. Il n'y a aucun problème là. Et quand ils vont être intervenus, ils vont aller se rasseoir dans le fauteuil, puis ils vont attendre encore 3-4 millions d'années pour aller. Bon, il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Ceux qui attendent quelque chose, c'est ceux qu'on ne doit pas suivre. Ceux qui attendent rien, c'est ceux-là qu'on va suivre. Alors, on fait une petite pause en attendant.